son petit air frustré pis son air bougon. Son petit air frustré pis son air bougon. Son petit air méchant, c'est le bon vieux Fugère. Un micro, une petite voix grave et deux, trois cigarettes. Y'a rien de mieux que Fugère pour écœurer les trèfles. Un micro, une petite voix grave, la PJ pis t'en as envie. Y'a rien de mieux qu'un flirt pour te manquer à vie. Ses commentaires et ses grandes colères. Tous ses commentaires et ses grandes colères. Y'a rien pour le boucher, on y a tous passé. Un micro, une petite voix grave et deux, trois cigarettes. Y'a rien de mieux que Fugère pour écœurer les trèfles. Un micro, une petite voix grave, PJ pis t'en as envie. Y'a rien de mieux, mon pleut, pour te marquer à vie. Nous interroger puis nous faire choquer. Nous interroger puis nous faire choquer. C'est quoi ta passion? On a tous choqué. Un micro, une petite voix grave et deux, trois cigarettes. Y'a rien de mieux que Fugère pour écœurer les trèfles. Un micro, une petite voix grave, frappée, j'y pis t'en as envie. Y'a rien de mieux, mon bleu, pour te marquer à vie. À côté sur un mur, y'avait l'air touriste. À côté sur un mur, y'avait l'air touriste. Toi et mon petit JP, tu y as goûté en crise. Une micro, une petite voix grave et deux, trois cigarettes. Y'a rien de mieux que Fugère pour écœurer les trèfles. Un micro, une petite voix grave, frappé JP dans la vie. Y'a rien de mieux, mon bleu, pour te marquer à vie. Fais-moi une recherche, fais-moi un oral. Fais-moi une recherche, fais-moi un oral. Pas le droit d'internet, ça nous a fait mal. Un micro, une petite voix grave et deux, trois cigarettes. Y'a rien de mieux que Fugère pour écœurer les trèfles. Un micro, une petite voix grave, PGP t'en a envie. Y'a rien de mieux, mon pleut, pour te marquer à vie. On était depressed, on pensait pocher. On était depressed, on pensait pocher. Et bien, en fin de compte, on a tous passé. Un micro, une petite voix grave et deux, trois cigarettes. Y'a rien de mieux que Fugère pour écœurer les trèfles. Un micro, une petite voix grave, frappée, j'y vis dans nos envies. Y'a rien de mieux, mon bleu, pour te marquer à vie. La morale de cette belle histoire mielleuse. La morale de cette belle histoire mielleuse. Si tu joues sa game, t'auras une fin heureuse. Un micro, une petite voix grave et deux, trois cigarettes. Y'a rien de mieux que Fugère pour écœurer les trèfles. Un micro, une petite voix grave, un petit pis t'en as envie. Y'a rien de mieux, mon bleu, pour te marquer à vie. Yeah! Ça passe, c'est pas